homosexualité. Homosexualité. Homosexualité. Juste parce que j'en avais l'envie. Juste parce que j'en avais l'envie. La Bible me l'a interdit. C'est mon écoliers, il faut le cacher pour éviter la contagion, pour éviter la contagion, car ils vont devenir légion. C'est ça que l'on m'a appris. Homosexualité, c'est ça que l'on m'a appris. Homosexualité, c'est mon sodomie, sodomie, sodomie. Pas de petits enfants, mariage, adoption. Maladie mentale, paxé, sida. Défiance, perversité, Jean-Luc de la rue. Showbiz, extermination. Rose arc-en-ciel, il faisait de la danse.